Chapitre 5e. La bande, si l'on peut la nommer ainsi, se composait de Kimby, de sa femme, de Jake lui-même. Ils s'adjoignaient parfois comme auxiliaires un domestique ou deux. Le vol était leur but, vol discret et pas trop fréquent, dont les victimes étaient les hôtes de l'auberge. Jake n'avait jamais été qu'un instrument dévoué. Au moment de son entrée comme garçon à l'auberge des Trois Fourches, il était tout jeune. Docile, il avait obéi à toutes les mauvaises suggestions. L'affaire de Madame Desmarets n'avait pas été préméditée. Les choses s'étaient passées ainsi. Le récit de Mademoiselle Desmarets était exact dans ses moindres détails. Sa mère l'accompagnait lors de son arrivée à l'auberge, et Jake était bien l'homme que la jeune fille avait aperçu, assis dans l'ombre, au moment où elle avait inscrit son nom sur le registre. La demande que fit Mademoiselle Desmarets de deux chambres séparées appela l'attention de Jake, car l'auberge était à peu près pleine. Il n'y avait plus qu'une chambre libre dans la partie réservée aux voyageurs de passage. Qu'allait faire Kimby? Il toussa, hésita, et chercha sa femme des yeux. Elle se trouvait alors dans l'arrière-bureau. Attirée par les signes qu'il lui faisait, elle se montra. Une conversation à voix basse s'ensuivit au cours de laquelle elle regarda du côté de Jake. Il comprit instantanément et s'avança avec indolence. « Donnez-leur le numéro 3, » dit-il. « Tout est préparé pour la nuit. Je peux coucher n'importe où, ici, sur le banc ou par terre, dans l'arrière-bureau. » Son offre de céder la pièce aux dames Desmarets résolvait la difficulté. Mademoiselle Desmarets fut conduite à la chambre libre qui se trouvait sur le devant. Sa mère, supposée la moins sujette des deux aux craintes superstitieuses pour le cas où le passé de la chambre hantée numéro 3 leur serait connu, fut menée au petit cabinet. Madame Kimby l'accompagna et revint ensuite pour lui porter une cuvette et de l'eau. Ce fut alors qu'elle rencontra Mademoiselle Desmarets, désireuse d'embrasser encore une fois sa mère et qui avait erré dans les corridors à la recherche de la chambre. Au moment où Mademoiselle Desmarets avait quitté cette dernière, la nudité et l'aspect peu hospitalier de la pièce l'avaient frappée, car elle s'était arrêtée près de la porte en s'écriant « Quel vilain papier ! Et de cet affreux rose grenat, la couleur que ma mère déteste entre toutes !» L'affaire qui les tint debout toute la nuit n'avait aucun rapport avec les dames Desmarets, ni avec aucune autre personne présente dans la maison. Une grosse échéance était proche, et Kimby n'avait pas la somme nécessaire pour y faire face. Il fallait disposer des titres et des bijoux volés qu'ils accumulaient depuis longtemps, mais qu'ils n'avaient pas encore eu le courage de vendre. On devait choisir ce qui était négociable et partager le butin. L'heure de la fermeture arriva, et avec elle, le calme habituel de minuit. Toutes les portes étaient fermées, les rideaux tirés sur les fenêtres et sur les portes vitrées du bureau. Jake rejoignit M. et Mme Kimby qui se tenaient dans ce bureau. Kimby lui ordonna de verrouiller la porte. Dans sa hâte à exécuter cet ordre, Jake négligea de s'assurer que le pen était bien entré dans la gâche. Les bijoux et les titres furent apportés par Mme Kimby et déposés sur la table. Puis l'on discuta sur la valeur des objets volés et sur la composition des parts. La discussion fut sans doute âpre et véhémente, car Kimby et sa femme étaient aussi cupides l'un que l'autre. En tout cas, elle dura longtemps. Jake n'y fut guère qu'auditeur, car il était accoutumé à craindre le patron et la patronne. Tandis que le regard de Kimby restait attaché sur les joyaux dont l'or et les pierreries scintillaient dans l'ombre, sous la faible lueur de la lampe, les yeux de Madame Kimby se tournèrent du côté de la porte, et soudain, son visage blêmit de peur. Était-elle devenue folle? Un spectre apparaissait-il à son esprit troublé? Elle fit signe à son mari, et tous deux terrifiés regardèrent vers la porte. Ce n'était pas un spectre qui se dressait dans l'encadrement. C'était la silhouette d'une femme qui vivait, respirait et dont les yeux considéraient avec étonnement le magnifique bijou naguère volé à Madame Thistlethwaite. Ce bijou était bien connu car il avait été souvent décrit dans les journaux. Les Kimby s'étaient rendus compte de tout cela avec la rapidité de l'éclair. Puis Kimby, dans une frénésie de peur irraisonnée, avait pris la chaise qui se trouvait derrière lui et l'avait lancée contre l'apparition. La chaise, atteignant la lampe du bar, l'avait renversée et éteinte. Le bruit grêle du verre cassé avait été suivi d'une lourde chute dans l'obscurité profonde, puis le silence était fait. Ça avait été le baisser d'un impénétrable rideau sur une horreur à demi comprise, mais rendue plus grande encore par son mystère. Tous les trois sentaient peser sur eux une atmosphère de terreur et de malheur. Tous ces pieds, un bruit, un mouvement, mais l'immobilité demeura complète. Le silence était absolu. Soudain, Jake sentit des doigts glacés toucher sa joue et se jeta en arrière avec un cri d'effroi. C'était Madame Kimby qui le cherchait dans l'obscurité. « Êtes-vous là, Jake ? » demanda-t-elle d'une voix étouffée. « Oui, est-ce que, pour l'amour de Dieu, une lumière ?» dit à son tour Kimby. Jake répondit « Pas de lumière pour moi, je resterai où je suis jusqu'au jour. »« Allez chercher une lumière, imbécile !» commanda Kimby, mais non sans que sa voix trembla. « Qu'allumerai-je ? Vous avez brisé la lampe. »« Si vous n'avez pas complètement perdu l'esprit, » reprit Kimby, « descendez dans le cellier et rapportez le bout de bougie qui se trouve près des tonneaux d'Ale. » Jack ne répondit pas, mais le tremblement que sa main imprimait à la table en disait long, à défaut de parole. « J'irai le chercher, moi, » dit Madame Kimby, et ils l'entendirent se diriger vers la trappe qui s'ouvrait derrière le bar. Après quelques minutes d'attente, la voix de Madame Kimby s'éleva. « Voici les allumettes et la bougie. » Bientôt, une faible clarté brilla. Maintenant, il fallait regarder. Tous les trois poussèrent en même temps un soupir convulsif. Une femme était allongée devant eux, la face contre le plancher, une femme vêtue de noir, avec son chapeau sur la tête et tenant son petit sac serré dans sa main tendue et rigide. Madame Desmarets, la vieille dame qui était arrivée dans l'auberge quelques heures auparavant. Avec une exclamation étouffée, Jake alla jusqu'à elle et essaya de la soulever. Mais il y renonça aussitôt, élevant les yeux sur Kimby et sur sa femme, prononça le mot fatal qui mit fin à tout espoir. Morte. Jake était le moins bouleversé des trois. Jetant encore un regard sur la forme inerte, il se leva, tourna autour du corps, alla à la porte, constata son étourderie qui avait rendu possible l'entrée de Madame Desmarets. Pendant ce temps, Madame Kimby, les yeux fixés sur son mari, reculait lentement vers le bureau, tenant toujours serré dans ses mains le précieux collier. « Lâche !» dit-elle, tandis qu'elle contemplait son mari avec une expression de haine. « Une vieille femme qui ne se rendait même pas compte de ce qu'elle voyait. Je ne veux pas être mêlée à cet assassinat, Jacob. Arrangez-vous, tirez-nous de là, et je veux garder le collier. Si vous ne faites pas ce que je dis... » Un geste menaçant acheva sa phrase. « N'étions-nous pas déjà assez près d'être découverts sans attirer l'attention de la police par ce crime inutile » continua-t-elle. « Cette femme était sans doute somnambule. Quand elle est entrée, elle devait être endormie. Je me rappelle ses yeux, tandis qu'elle avançait vers nous. Ce n'était pas ceux d'une personne en état de lucidité. » Kimby, qui était intelligent quand son esprit n'était pas troublé par la colère ou la crainte, s'agenouilla et retourna sa victime avec précaution de manière à percevoir son visage. « Ce n'est pas un meurtre, » dit-il après quelques minutes d'examen attentif. « La vieille dame est tombée et son front a heurté le plancher. » Regardez, la contusion est à peine visible, si elle avait été plus jeune. Une mort soudaine dans cette maison, quelle qu'en soit la cause, est juste en ce moment pleine de danger pour nous. » interrompit froidement sa femme. L'hôtelier se releva, marcha vers la fenêtre, l'ouvrit, pencha la tête au dehors, réfléchit une minute, puis revint lentement sur ses pas, regardant encore Madame Desmarets, sa robe, ses mains gantées et son petit sac. « Elle n'est pas morte dans la maison. » dit-il de son ton le plus onctueux, elle est tombée dans les bois. Le sentier qui mène ici est plein de souches mises à nu. Il faudra qu'elle soit trouvée là-bas, demain matin. Jake, êtes-vous prêt à m'aider ? Jake, qui commença à reprendre son sang-froid, répondit d'un signe affirmatif. Sur quoi, Kimby pria sa femme de jeter un nouveau coup d'œil au dehors pour s'assurer si les alentours de l'auberge étaient déserts et s'il pouvait emporter le corps. Elle ne bougea pas, il s'emporta. « Dépêche-toi, fais ce que je te dis » grommela-t-il. « Et la fille ? » demanda-t-elle. « Comment ferons-nous pour la fille ?» Kimby demeura silencieux, puis avec un regard de côté et un ton chargé de sous-entendus. « La mère d'abord. Nous nous occuperons de la fille plus tard. » Madame Kimby frissonna. Tandis que de la main elle cachait le splendide collier qui brillait sur sa poitrine, elle marmotta d'un air farouche. « Comment ? Je vous préviens que je ne veux pas courir d'autres risques. La fille n'est qu'une enfant. » riposta Kimby, pas de crainte à voir à cause d'elle. Les a-t-on vus entrer ici ? Ils se rappelèrent que personne ne se trouvait là lors de l'arrivée des deux femmes. D'autre part, seule une servante, Hulda, savait que Madame Desmarets avait été conduite à la chambre numéro 3. Rien de plus facile que de la faire taire. Alors Kimby développa son plan. Madame Kimby se déclara satisfaite. Aidée de Jake, il s'apprêta à le mettre à exécution. Ils n'osèrent pas prendre une lampe pour éclairer leur funèbre besogne. Et bien qu'ils connussent le chemin, ils étaient hantés par la crainte de buter contre un arbre et de tomber. Cela leur arriva une fois, et le cri étouffé que poussa Jake fut l'origine de nouvelles craintes. Chaque bruit les remplissait de terreur. Était-ce une fenêtre qui s'ouvrait ? Non, mais quelque chose qui bougeait dans les buissons. Le pire, ce fut d'étendre le cadavre à la face contre terre, en plein bois humide et froid. Au retour, leur regard était fixé sur la petite traîne lumineuse que laissait passer la porte de l'auberge, maintenue entr'ouverte par Madame Quimby. L'hôtelière attendait, affolée par l'inquiétude et la peur, et le bout de bougie qu'elle tenait toujours entre ses doigts achevait de se consumer. « C'est fait !» s'écria son mari. La présence des deux hommes lui rendit un peu de son sang-froid. Mais Jake attira l'attention de Quimby sur le registre de l'auberge, où les deux noms de la mère et de la fille se lisaient nettement. « Oh, ça n'a pas d'importance !» s'écria l'hôtelier. « Elles ont écrit leur nom en haut d'une page blanche. » Prenant son canif, il coupa la page et détacha celle qui lui correspondait dans le groupement des feuillets du livre. Tout à coup, il sursauta, car sa femme lui avait saisi le bras. « Je viens juste de me rappeler quelque chose qui bouleversera tous nos plans et nous perdra. » Mademoiselle Desmarets est allée voir sa mère au numéro 3 et a considéré avec attention la chambre, en particulier le papier qui la tapisse. S'il est capable de décrire ce papier, notre récit ne sera pas trouvé vraisemblable. Tous restèrent consternés pendant un instant, puis Jake dit avec calme. « Il est maintenant 1 heure du matin. Si vous me trouvez le vieux papier bleu que j'ai fourré autrefois dans le grenier, je m'engage à le coller sur les 4 murs avant le jour. Apportez-moi les rouleaux les plus fanés que vous puissiez trouver. Si le papier n'est pas sec demain, il faut qu'il paraisse si fané et si vieux que personne n'ait l'idée de le toucher. Je vais préparer la colle. » On chercha le papier, on enleva le mobilier sommaire de la chambre numéro 3, et sa transformation s'opéra rapidement. Le jour se leva sur l'ouvrage terminé. Quimby, sa femme et Jake, ayant retrouvé leur présence d'esprit, brûlèrent ce qui restait du papier bleu. Leur odieuse machination aurait peut-être réussi si la beauté de Mademoiselle Desmarets et l'ardeur de sa sincérité n'avaient ému le cœur d'un des enquêteurs. La suite de l'instruction révéla que Quimby, inquiet de la curiosité de Hammersmith, s'était résolu à provoquer un incendie qui devait faire disparaître à la fois tout vestige de la chambre numéro 3 et celui qui en était l'hôte durant une nuit. Ce qui s'était passé dans le tumulte qui suivit l'apparition des premières flammes, nul put le dire, pas même Jake. Tous les trois s'étaient trouvés réunis dans la chambre de Jake avant que ce dernier n'en sortît, armé de son fusil, mais à partir de ce moment-là, les souvenirs du garçon d'auberge étaient complètement brouillés. Toutefois, il pouvait affirmer que Madame Quimby avait été tenue dans l'ignorance du projet d'incendie, mais on l'avait chargée d'enfermer, sous un prétexte quelconque, Hulda dans sa chambre, et ce fut sans aucun doute l'horreur qu'elle ressentit de son action, en voyant à quoi elle avait servi, qui lui fit perdre l'esprit et la rendit, pour le reste de sa vie, stupide et bredouillante. Quant à Quimby, il avait disparu, et plus jamais on n'entendit parler de lui. Telle est l'histoire de l'auberge des Trois Fourches et de la chambre numéro 3. Anna Catherine Green.